L'actualité à Nancy et ailleurs. À l'occasion de la journée nationale Vivons Vélo du 3 juillet, nous sommes tous invités à venir pédaler pour la bonne cause en faveur de l'Institut Pasteur. Près de Nancy, vous aurez l'occasion de participer à Blénaud-les-Pont-à-Mousson avec le CO Blénaud Cyclotourisme et à Malzéville avec l'association Vélo Loisirs Malzéville. Et nous avons le président de l'association au téléphone, Daniel Girez. Bonjour. Bonjour. Vous participez cette année à cette journée nationale Vivons Vélo, l'occasion de découvrir votre association. Faites-nous un peu le portrait de Vélo Loisirs Malzéville. L'association existe depuis 1996. On devait fêter, nous, 25 ans l'année dernière, mais à cause du Covid, ça a été reporté à une date ultérieure. Alors, nous sommes une association de cyclotourisme. Ça n'a rien à voir avec la compétition, c'est de la promenade. Il y a quand même trois groupes, parce que nous avons des participants qui vont de 45 à 84 ans. Alors, vous voyez. Donc, il faut s'adapter. Donc, il y a un groupe qui est assez rapide, qui aime bien faire des bosses, comme on dit, des côtes. Oui. Et on a un autre groupe qui comporte beaucoup de féminines, puisque nous avons 17 femmes pour 38 licenciés. On a presque la parité. Effectivement. Et alors, ces femmes ont souvent beaucoup de vélos électriques. Et il y a le plus petit groupe dont j'accompagne les gens qui ne veulent pas rouler trop et qui font une cinquantaine de kilomètres maximum. Il y a le premier groupe qui fait dans les 80, 90, voire 100 kilomètres. Le deuxième, c'est entre 70 et 80. Et le troisième groupe fait 50 à 60 kilomètres. Les après-midi, alors le mardi et le jeudi. Départ à 13h30 au stade Jean-Flesser à Malzéville. Pour s'adapter, voilà. Se retrouver aussi et prendre du plaisir, effectivement, pas forcément dans un esprit de compétition, juste pour se balader, même avec des vélos électriques. Ça, c'est une évolution assez récente, ça. Oui, c'est très récent, oui, mais non, ça devient de plus en plus courant que les gens vieillissent et ont des problèmes de santé. Donc, s'ils veulent s'adapter et continuer à suivre le groupe, il leur faut une assistance électrique. Donc, vous vous retrouvez chaque semaine et là, vous allez bien participer. Comment c'est venu cette idée de participer à cette journée nationale Vivons le vélo? Ça va se passer le 3 juillet. Alors, c'est à l'initiative d'un groupe que les amateurs du Tour de France connaissent parce qu'il y a une équipe qui s'appelle AG2R La Mondiale. Donc, c'est ce groupe qui est à l'origine de cette action. Comment vous êtes-vous retrouvé à participer à Vivons Vélo? Eh bien, écoutez, c'est la première fois que j'en entendais parler. Donc, c'est AG2R La Mondiale qui m'a contacté par téléphone en me demandant si vous voulez bien participer à cette rando qui est nationale avec plusieurs dates à choisir. Donc on n'a pas choisi la date du 3 juillet puisqu'on s'est dit bon, il va quand même finir par faire beau et puis la crise sanitaire va peut-être se terminer. C'est le cas d'ailleurs, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai accepté de participer à cette randonnée. Expliquez-nous un peu le principe justement de cette randonnée. Alors cette randonnée, elle est ouverte à tous. Petits et grands, aussi bien les familles avec des enfants et les gens qui veulent reprendre le vélo, qui ont sorti leur vélo de leur coffre qu'ils avaient depuis un certain nombre d'années, et comme ça revient à la mode, on va les faire rouler un petit peu. Alors ce parcours est facile, c'est le long de la piste de la Meurthe jusqu'au niveau de Custine par exemple. Aller-retour, ce qui représente 22 kilomètres. Voilà, ça se fait en combien de temps, 22 kilomètres, pour leur donner une idée? Normalement, pour nous, on roule environ à 20 à l'heure, hein, donc ça fera une heure. Oui. Mais bon, les gens qui vont venir avec nous, je pense qu'ils font deux heures au moins. Voilà, en faisant une petite pause éventuellement. Une petite pause. Bah, ils vont recevoir à l'entrée, hein, quand on va se réunir à 13h30 sur le parking du stade, la G2R nous fournit un petit sac ravitaillement. Mmh. Avec une bouteille d'eau, une compote et puis une barre de céréales. Pour participer à une journée plutôt conviviale, alors c'est aussi pour soutenir la recherche contre les maladies neurodégénératives. Donc c'est utile, c'est un bon moment à faire en plein air. Et puis pour se remettre au vélo, oui, pour donner des idées peut-être pour la saison prochaine, pourquoi pas rejoindre votre association? Pourquoi pas, ça nous fait une promotion aussi pour la sauce. Hein. C'est sûr que s'il y a des gens qui sont intéressés, ils vont nous demander des renseignements. Comme vous avez dit, c'est vrai que la G2R La Mondiale nous fait calculer le nombre de kilomètres parcourus multiplié par le nombre de participants et reverse l'argent à Pasteur pour le Pasteur d'An qui aura lieu au mois de septembre, octobre. Tout cet argent, ce n'est pas les personnes qui vont le dépenser, c'est AG2R La Mondiale, cette participation à cette, à cette balade du 3 juillet. C'est gratuit et en plus, on peut aider la recherche. Donc, on n'hésite pas. Il faut s'inscrire. Pour y Bah oui, participer? alors, par contre, oui, on peut s'inscrire par Internet, mais je vous avoue que j'ai essayé et ça me paraît assez compliqué. On peut aussi inscrire les gens le jour même quand ils vont arriver à 13h30 au stade, à Zéville. C'est encore la meilleure des solutions. Ce sera la Parce meilleure des que. solutions, voilà, de se rendre directement. Bon, il y a le site Voilà. internet, donc qui est www.vivonsvelo.fr. Là, on retrouve toutes les associations, hein. Je parlais aussi en introduction de Blénois-lès-Potamousson. Il y a aussi une autre association qui y participe. Et sinon, on va directement à votre rencontre et on s'inscrit sur place. Mais étant donné que c'est national, il y a beaucoup de postes pour choisir sur Internet. Oui, que C'est tout pas le monde ne évident. vienne pas à Malzéville ce jour-là. Voilà. C'est limité à 50 personnes de toute façon, hein. C'est limité à 50 personnes. Et le départ se fait à quelle heure? Le départ, ben, c'est rendez-vous à 13h30 et départ à 14h. Eh bien, merci Daniel Dirès pour cette présentation de cette journée Vivons Vélo et puis aussi de l'association Vélo Loisirs Malzéville. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.